Que ce soit pour le démarrage ou l'acquisition d'une entreprise ou le développement de celle-ci, la SADC Maria Chapdelaine peut vous aider à réaliser vos projets. Notre équipe est là pour valider une occasion d'affaires, faire un montage financier, rechercher du financement et même participer au financement dans certains cas. Contactez-nous au 418-276-0405 ou le sadcmaria.qc.ca. La SADC Maria Chapdelaine est fière de rappeler l'importance de la forêt pour notre économie. Dans le cadre du mois de l'arbre et de la forêt. Développement économique Canada pour les régions du Québec appuie financièrement la SADC Maria Chapdelaine. On va parler de soccer en ce beau samedi matin avec notre ami Benoît Lavoie d'EspaceSoccer.com, la référence du soccer au Saguenay-Lac-Saint-Jean. Salut Benoît. Salut Danny. Benoît, qu'est-ce qui se passe finalement? On va commencer d'abord avec l'Impact qui n'a pas fait le poids hier. Hein? Non, hier, l'Impact, écoute, il faut quand même mentionner que, Danny, il faut mentionner quand même que, comment je dirais, Samuel Piette n'était pas là, quoi, hein? Il y a un record de matchs consécutifs avec l'Impact, là, je pense que c'est. Ouais. C'était pas 51? Oui, je pense que c'est ça, 51, c'est exactement ça, ça s'appelle ouais, 51. Hein? Accumulation de cartons jaunes et, donc, Piette n'était pas là, mais dur début de match. Et premièrement, moi, j'ai écouté le match hier soir en soirée, puis grosse erreur à la sixième minute là, d'Evan Bush là, qui a botté le ballon puis, sur l'attaquant adverse et le ballon a dévié directement dans le but. Donc, ça a commencé un match, là, entrée de jeu dans le match. Et 2-0, 3-0, le match, l'Impact dominé un peu à plusieurs niveaux, là, 4-0. On a réussi à marquer des buts en fin de match, 4-1. Il y a eu un penalty à la fin, c'est Taïda. Jackson Hamel a été accroché dans la surface et c'est Taïda qui a marqué 4-2. Donc, l'Impact devra. Ça peut être une grosse sortie hier à Los Angeles, mais il faut rappeler, Danny, que le FC Los Angeles domine la ligue, là, tant au niveau du classement général. Si tu fais une combinaison S et Ouest, là, c'est une grosse début de saison. Et Carlos Vela qui a un gros début de saison pour eux. Là, donc. Donc, dur match hier pour l'Impact. OK. On va y aller maintenant. Donc, je l'ai pas. On va y aller maintenant avec la Ligue des champions qui la finale aura lieu samedi prochain. Oui, juste avant. La Ligue Europa. Oui, juste avant d'y aller en Europe, Danny, pour terminer avec l'Impact, la MLS, rappeler que les médias nord-américains ont sorti une liste de 8 joueurs par équipe. OK. Il y a quand même 8 joueurs qui ont été sortis. Pour le match des étoiles qui va avoir lieu cet été à fin juillet, les étoiles de la MLS qui vont faire un match contre l'Atlético Madrid à Orlando. Donc, ça va être intéressant de voir ça. Et les 8 joueurs qui ont été sélectionnés pour l'Impact, on parle de Evan Bush, Bakary Sagna, Zachary Diallo, Daniel Lovitz, les milieux de terrain, Piatti, même s'il n'a pas joué beaucoup, ça demeure une star de la Ligue quand même. Samuel Piette, qui a un gros début de saison, il faut le dire, Samuel Piette, là, et Safir Taider, ainsi que l'attaquant Maximilien Urruti. Ça, Danny, il va avoir un vote sur le web. Et on va prendre un 11 partant. Par la suite, l'entraîneur va sélectionner d'autres joueurs pour compléter l'équipe. Et il y a le président Garber, quoi, qui a un choix de 2 joueurs là-dessus. Donc, ça va être intéressant de voir ça contre qui sera sélectionné au niveau de l'Impact pour participer à ce match-là. Et aussi, il faut rappeler que pour l'Atlético Madrid, probablement que Griezmann ne sera pas là. On parle qu'il va s'en aller dans un autre club. Il a annoncé son départ là, aux fans de l'Atlético Madrid la semaine dernière. Là. Puis le dernier point pour la MLS, Danny, je voulais dire que Chris Wondolowski a battu le nouveau record. Oui, j'ai vu ça. Il est parti à MLS en avant de London Donovan. Donc, il est rendu à 148 buts. Donc, il vient de dépasser London Donovan. Ça s'est fait la semaine dernière. Donc, intéressant de voir ça. Puis on a un Canadien qui est en 9e position. J'ai fouillé un peu sur le web. Dwayne de Rosario qui est en 8e position. Est-ce que Martinez d'Atlanta a des bonnes chances de le passer? Hein? Oui, Joseph Martinez, écoute, là, on parle d'un record de buts marqués en MLS. Joseph Martinez a battu un record l'année passée dans une saison. On a vu Zlatan qui a fait des sorties en début de saison disant qu'il voulait battre le record. Alors, je ne sais pas. Je pense qu'il y a un bon début de saison, Zlatan, mais de là, aller chercher le record de Martinez de l'an passé, je ne suis pas certain. Donc, ça complète un peu l'actualité de la MLS. OK. Pour rappeler que mercredi, le 29 mai prochain, au Stade Saputo, le Real Salt Lake sera là. On reçoit le Real Salt Lake à 19h30. Donc, 2 matchs la semaine prochaine. On va parler maintenant de la Ligue des champions. Pas la Ligue des champions, mais la Ligue de l'Espagne. La Liga espagnole, Dani. Donc, comme je te disais tout à l'heure, la grande déception cette année, c'est de ne pas voir Messi en finale de la Ligue des champions. Ben oui. Grosse défaite contre Liverpool. Le match retour, on va tous s'en rappeler. Match historique. quel match incroyable encore. Moi, j'en reviens pas encore. Puis pauvre Messi, qui a une saison de fou, Messi. Une de ses meilleures saisons en carrière. 600 buts en carrière. 600 buts, puis Benoît. Ben oui, je sais. Presque seul. Écoute, pourtant, il a donné des ballons de but à ses partenaires. Pas été capable de... surtout le match aller, je vais me rappeler le match aller. Le Barça remporte le match 3-0. Et en fin de match, Messi sert un caviar à Dembélé, le français Dembélé. Il n'a pas été capable de le mettre dedans. Si Barça marque là, c'est 4-0, on s'en va au match retour. 3-0, c'est déjà une grosse avance. Imagine-toi 4-0, en tout cas, on connaît la suite. Mais Barcelone remporte quand même son titre. Je pense que c'est son deuxième ou troisième consécutif. Barcelone a quand même fini 11 points devant l'Atlético Madrid. Grosse saison pour l'FC Barcelone, comme je l'ai dit, Lionel Messi. Pourtant, et aujourd'hui, Dani, c'est le match de la Coupe du Roi. La finale de la Coupe du Roi, le dernier match de la saison en Espagne, Barcelone contre Valence. Donc, ça va être un match à surveiller aujourd'hui. Et dans le championnat espagnol, tu as le Real Madrid qui est en fin de saison très difficile. Là. J'ai hâte de voir le recrutement. Zidane a dit qu'il voulait avoir Mbappé. On a parlé aussi de Hazard qui joue à Chelsea. C'est ça. Donc, à voir quel joueur qu'on va recruter au niveau. Il va y avoir des gros sous qui vont se donner l'année. Ça va être assez incroyable de voir les montants d'argent, de transfert qu'il va avoir. Au niveau de l'Atlético Madrid, t'as Griezmann qui a annoncé son départ. Est-ce qu'il va aller à Barcelone? Ça serait quand même une grande, grande, grande surprise de le voir arriver à Barcelone. Je sais pas parce que si tu vois Griezmann, il s'en ira pas sur le banc, Griezmann. Ce gars-là, 28-29 ans, il a besoin de temps de jeu. T'as Suarez qui est encore là, qui est en fin de parcours, et Messi qui vieillit tranquillement, qui a 32 ans. Donc, à voir un peu. Puis pour le Real Madrid, donc une troisième position, une fin de saison difficile. On parle de départ de Gareth Bale, de Marcelo, qui irait peut-être retrouver Ronaldo à la Juventus. Donc, il y a plein de rumeurs, et la presse européenne est incroyable avec les rumeurs. Là. Moi, je suis ça un petit peu là, chaque quotidiennement. Là. Donc, à voir pour la suite. Donc, et au niveau des marqueurs, au niveau du championnat espagnol, ben, c'est vraiment Lionel Messi qui domine complètement là, le championnat des marqueurs avec 36 buts d'année cette année. Mm. 36 buts. Donc, devant Karim Benzema du Real Madrid avec 21. Donc, une grosse saison pour Messi cette année. Donc, à voir aujourd'hui la finale de la Coupe du Roi contre Valence. J'ai hâte de Mbappé, là, ce serait un rêve fou. On sait que c'est très bien que ça n'arrivera pas, mais il me semble qu'avec l'impact, ça aurait de l'allure. Hein? Alors, je sais que ça n'arrivera pas. Je sais. C'est une rumeur, une affaire comme tu sors là, c'est oublie ça tout de suite. Ouais. Commander sur la scène pour les plus grands clubs, dont le Real Madrid. Ouais. Dont Je sais. Je te dis, ça n'arrivera pas, là. Ça va, mais. Tu aurais peut-être pensé à un nom comme Ribéry qui vient de trouver le Bayern de Munich. Okay, ça pourrait être intéressant. Tu as un gars comme Robin aussi, le Hollandais. Mais l'impact ne s'enligne pas dans ce sens-là. L'impact s'enligne à la méthode Rémi Garde. Alors, ça, on pourra en reparler. Veux-tu qu'on fasse un petit. Dernier championnat là, en Italie et en Allemagne par la suite? En Italie, Dani, c'est la Juventus qui a encore. On savait très bien qu'en allant chercher Ronaldo, c'était pour la Ligue des Champions. Ils ont échappé aussi en quart de finale contre l'Ajax, la grosse surprise qui est arrivée. Donc, élimination du Juventus et de Ronaldo. C'est Juventus qui remporte quoi, un huitième titre consécutif quand même devant le club de Napoli avec 11 points d'avance, quand même une bonne avance. Et Atalanta de surprise en troisième position avec égalité avec l'Inter de Milan et l'AC Milan. Donc, la Juventus toujours en tête. Au niveau des marqueurs de la Serie A italienne, eh bien, c'est pas Ronaldo qui a terminé premier marqueur. Ronaldo est quatrième avec 21 buts, mais il a manqué des matchs. On l'a fait reposer beaucoup là, dans le championnat pour lui permettre d'être en forme pour les matchs à Ligue des Champions. Alors, le meilleur marqueur de l'équipe du club de la Sampdoria, Juan Glarella, qui jouait pour eux avec 26 buts. Donc, c'est au niveau du championnat italien, c'est la Juventus qui remporte encore cette année. Là. Effectivement. Bon, ben Benoît, ça fait le tour. Oui? Le dernier championnat pour te parler à l'égalité, Dani, on a un top 5. Hein? On parle de la France, de l'Espagne, de l'Angleterre, de l'Italie. Et le dernier que je mettrai en avant du championnat français, c'est bien entendu la Bundesliga avec le Bayern de Munich qui domine depuis des années aussi ce championnat-là. Ils ont remporté difficilement cette année devant le Borussia Dortmund avec un point d'avance. Donc, ça a été très difficile. Victoire encore du Bayern de Munich. Il faut mentionner au niveau du Bayern que c'est, comment je te dirais, c'est la retraite. On a parlé tantôt de Robben et de Ribéry qui ont quitté. Là, on a eu un adieu incroyable la semaine dernière lors du dernier match du championnat. Ils ont marqué tous les deux au stade à l'Allianz Arena à Munich. Donc, les deux sont en fin de parcours. Est-ce que l'impact pourrait être attiré pour un gars comme Ribéry? Mais je pense que la position de Ribéry est un peu la même position que Piatti. Donc, pas sûr qu'on a. Et je ne suis pas certain que l'impact est intéressé par ce genre de gros canon-là avec Demi Garde. On a eu Drogba de gros noms, puis on a été chanceux de l'avoir, on va se le dire. Là. Ouais. On a été très, très chanceux de l'avoir. On a eu de la misère à le gérer, ça a été difficile. Ouais. Un gros problème qui est presque plus gros que l'équipe. Là, que l'équipe. Donc, on se rappelle que ça ne s'est pas nécessairement bien terminé, là, la fin de parcours de Drogba avec l'impact de Montréal. Je vais toujours me souvenir de son salut lors du match au Stade olympique devant 65 000 personnes, je crois, en demi-finale contre Toronto, le match aller. On avait perdu le match retour et on avait décidé en fin de saison d'y aller avec l'attaquant italien à la place de Drogba. Là. Donc, c'était une grande déception à ce moment-là. Je me souviens de ce moment-là. Benoît, on s'en reparle cette semaine. On va faire une chronique du soccer régional. C'est les ligues qui sont commencées au niveau soccer régional. Fait que... Le soccer régional, tu as les équipes de la Ligue, de la région qui participent de la Ligue Québec-Centre, la nouvelle appellation de la Ligue, la Ligue Québec-Métro. On a 12 équipes de la région. Et lundi soir prochain, le soccer régional, toutes les ligues régionales commencent. Le soccer régional, ça commence le 20 ou 29 mai prochain. On s'en parle de ça, Benoît. Benoît Lavoie, espacesoccer.com, la référence soccer au Saint-Jean, ça part. C'est beau. Merci, Benoît Lavoie d'Espace Soccer.